Sachant que dans les expressions comme « sans lui », « sans elle », « sans vous », etc., « sans » se dit « senza di » en deux mots, « senza di ». Comment diriez-vous « je ne pourrais pas le faire sans toi »« pourrais au futur » Non potrò farlo senza di te. Non potrò farlo senza di te. Maintenant, dites-moi, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Non potevo. Ça c'est je ne pouvais pas. Je vous ai demandé, je n'aurais pas pu. Comment dit-on j'aurais au conditionnel? Avere? Avere, c'est avoir, mais j'aurais se dit avrei. Avrei, bien. Et le contraire, je n'aurais pas? Non avrei. Alors, maintenant, traduisez-moi je n'aurais pas pu. Non avrei potuto. Potuto, oui, le faire. Farlo. Farlo, c'est ça. Non avrei potuto farlo sans toi. Senza te. Vous oubliez quelque chose. Senza? Senza di te. Senza di te. Oui. Non avrei potuto farlo. Je n'aurais pas pu le faire. Senza di te. Sans toi. Toujours au conditionnel, comment diriez-vous? Pourriez-vous m'attendre? Je n'ai pas dit « pouvez-vous ». Ah oui, vous avez dit « pourriez-vous ». Potrebbe. Potrebbe, oui. Si vous vous adressez à un signore ou une signora, pourriez-vous m'attendre? Potrebbe aspettarmi. Potrebbe aspettarmi, c'est ça. Et si vous vous adressez à un ami, vous direz « pourrais-tu m'attendre ?» Potesti. Attention, quel est le son clé que l'on retrouve au futur et au conditionnel ? Rei. C'est le R de l'infinitif que l'on retrouve à ces deux temps. Rei, comme vous venez de le dire, c'est la terminaison du conditionnel qui correspond à « je ». Alors, « pourrais-tu m'attendre ?» donne. Potresti aspettarmi ? Potresti aspettarmi? Oui. Faites attention à bien prononcer la fin du mot, le i de potresti, parce qu'il y a un risque de confusion entre le resti de tu et le reste de voi. Puisqu'on parle de voi, justement, comment direz-vous, pourriez-vous m'attendre si vous vous adressez à plusieurs personnes à la fois? Potreste aspettarmi? Potreste aspettarmi, c'est ça. Comment diriez-vous maintenant? Je suis désolée, mais je n'ai pas pu t'attendre parce que je devais partir. Mi dispiace, ma... Je n'ai pas pu t'attendre. Non ho potuto aspettarti. Parce que je devais partir. Perché dovevo partire. Oui, et à la place de partire, on peut aussi employer andare via. Mi dispiace, ma non ho potuto aspettarti perché dovevo andare via. Il y a une troisième solution, c'est de dire je devais m'en aller. N'oubliez pas qu'avec un infinitif, il faut mettre les mots comme me et en à la fin. Alors, je devais m'en aller. Dovevo andar... Oui, andar... Mene, dovevo andarmene. Dovevo andarmene. Bien. Et si vous voulez dire simplement, mot à mot, je m'en allais. Me ne andavo. C'est ça, oui. Me ne andavo. Je m'en allais. Ou partivo. Je partais. On peut dire aussi... Andavo via, comme je disais tout à l'heure. Comment dit-on « j'ai dû partir » Ho dovuto partire. Ho dovuto partire. Oui. Une autre traduction est possible si on ne plonge pas avec ho, qui est le plongeoir de dovere, mais avec sono, qui est le plongeoir de partire. Quelle solution aurait-on avec sono? Sono dovuto partire. Oui, sono dovuto partire. Puisque vous êtes un homme, mot à mot, je suis dû partir. À la place de dovuto, une femme dirait dovuta. Sono dovuta partire. Donc, quand vous plongez dans dovere et que ce verbe est suivi d'un verbe de mouvement comme partire ou d'état comme restare, vous pouvez plonger soit avec avere, soit avec essere. Maintenant, pour j'ai dû m'en aller, qu'est-ce que vous diriez au lieu de partire? J'ai dû m'en aller. Ho dovuto andarmene. Ho dovuto andarmene. Ou bien avec essere, puisque andare est un verbe de mouvement. Sono dovuto andarmene. Sono dovuto andarmene. Par contre, si vous êtes une femme, vous direz sono dovuta andarmene. Sono dovuta andarmene. Très bien.